Chapitre 2. Ma mère et ma grand-mère se gardèrent bien d'oublier la promesse faite à Mimi, et comme j'avais été invité à me joindre à elle, 8 jours après, nous rendîmes ensemble leur visite au Robin des Roches. On n'avait pas trop vanté le confortable de la gélinière. La maison était remise à neuf de la cave au grenier. Au seuil de l'antichambre dallait de grands carreaux de marbre blanc et noir. Un domestique en livrée nous introduisit dans 2 pièces en enfilade, un grand salon dont les fenêtres donnaient sur la rue, et une sorte de boudoir prenant jour sur les jardins, le tout meublé avec un luxe qui tirait l'œil. Les fauteuils étaient trop dorés. Les embrasses à glands d'eau retenaient les plis rigides des rideaux et des portières de l'ampa. Nous trouvâmes dans le petit salon la maîtresse du logis, nonchalamment couchée sur une chaise longue couleur bouton d'or, et vêtue comme toujours d'une robe de mousseline blanche. Elle nous reçut avec de tendres démonstrations, et tout d'abord, insista pour que nous prissions des rafraîchissements. Elle agita un cordon de sonnette placé derrière elle. Peu après, une femme de chambre apparut, portant sur un plateau de l'orangeade des liqueurs des îles et des gâteaux, qu'elle déposa sur une table de marqueterie, à côté d'une cage aux treillis dorés, où de jolis oiseaux exotiques gazouillaient discrètement. Mimi quitta son siège avec une vivacité dont on ne se serait guère douté à voir sa pose languissante de tout à l'heure. Il nous servit elle-même. Tout en s'occupant de ma mère et de mon aïeul, elle ne m'oubliait pas, elle mettait à part sur une assiette les gâteaux les plus affriolants, et me disait en me versant un grand verre d'orangeade, « À ton âge, on doit avoir bon appétit, voici pour toi, mon garçon. » Ses attentions me touchèrent, et sa bonne grâce me gagna le cœur. « Cousine, ajouta-t-elle, Monsieur Robin des Roches regrettera infiniment d'avoir perdu votre visite. Il est allé faire sa partie au cercle, mais du moins je vais vous présenter ma petite Morissette. » Elle sonna de nouveau et ordonna qu'on lui amenât l'enfant après lui avoir fait faire un brin de toilette. Au bout d'un quart d'heure, Morissette arriva, poussée dans le petit salon par la femme de chambre et passablement intimidée à la vue de ces étrangers qui la dévisageaient des pieds à la tête. Bien qu'elle fût moins âgée que moi, elle paraissait plus grande et déjà faite comme une jeune fille. Elle était, ainsi que sa maîtresse, vêtue de mousseline claire et dans cette blancheur, ses mains et son visage du plus beau noir, ressortait d'une façon presque déconcertante. Ses cheveux crépus étaient coiffés d'un madras, ses traits assez mignons étaient gâtés par un nez très épaté et par de grosses lèvres charnues. Mais ses grands yeux couleur café avaient un éclat et une mobilité étranges. Ils allaient et venaient, inquiets sous les paupières bistrées, et me faisaient l'effet de 2 oiseaux effarouchés s'agitant dans leur cage. « Allons, Morissette, » dit Madame Mimi en tirant la négrillonne par la main, « ne sois pas sauvage. » Ces dames sont mes cousines. Fais-leur ta révérence. Et voici un garçon qui sera enchanté de jouer avec toi. Il est de ton âge, il est gentil et je pense qu'il ne te fait pas peur. » Morissette me regarda puis se mit à rire, et ses lèvres, largement écartées, découvrirent 2 rangées de dents très blanches. « Bon, » continua Mimi, « la voilà dégelée. Embrasse-le donc et montre-toi bonne camarade. » Elle obéit, et ses grosses lèvres effleurèrent mes joues, tandis que je reculais quasi effrayé. C'était la première négresse que je voyais, et je n'étais pas tout à fait rassuré sur les suites de cette embrassade. Il me semblait que le noir de sa peau allait déteindre sur la mienne. Instinctivement, je tirai mon mouchoir et me frottai les joues, ce qui amusa beaucoup Madame Robin des Roches, et parut même égayer fortement la négrillonne, dont la bouche se fendit en un large éclat de rire. « Maintenant, mes mignons, » reprit Madame Mimi, « allez jouer dehors. Morissette, tu piloteras ton petit ami dans le parc, et tu lui montreras les plus jolis endroits. » Une porte-fenêtre ouvrait sur les jardins. Elle nous livra passage, et nous prîmes, Morissette et moi, notre envolée à travers les allées qui contournaient une vaste pelouse. À l'extrémité de ce gazon, où des massifs de géranium jetaient des notes rouges, le parc commençait. Il me parut vraiment très beau. On n'en voyait pas la fin. Des allées obliques, bordées de trembles, de hêtres et de tilleuls, s'y enfonçaient dans une brume verdoyante. Parfois, à l'intersection de 2 de ces allées, des ronds-points couverts de hautes herbes s'élargissaient circulairement et formaient de lumineuses salles de verdure où des rayons de soleil dansaient, tamisés par les retombées des marronniers et des platanes. Ailleurs, au détour d'un sentier, une grise statue apparaissait, entourée de bancs de pierre, ou bien sur un tertre s'élevait un kiosque enjolivé de vitraux de couleur. Mais ce qui rendait ce coin de bois tout à fait plaisant et enchanteur, C'était un clair et capricieux ruisseau dérivé du Nafton qui le traversait dans toute sa longueur. L'eau, à la fois verte et limpide, glougloutait entre deux talus fleuris de saliquets roses, d'angéliques sauvages et de reines des prés. Tantôt elle s'enfuyait avec des airs pressés sous de rustiques ponts de bois, tantôt son courant plus calme reflétait les entrecroisements des branches, avec ça et là des coins de ciel brouillés de bleu et de blanc. Sur ce ruisseau, au glouglou chanteur, des libellules se posaient un moment parmi les joncs et laissaient admirer la gaze azurée ou brune de leurs ailes frissonnantes. Parfois aussi, dans le courant très limpide, on voyait une truite aux taches roses se jouer dans les herbes et brusquement, d'un coup de queue, filer comme une flèche entre deux eaux. Au moment où nous quittions la pelouse ensoleillée pour pénétrer sous la voûte de l'allée forestière, Morissette, pour mieux s'acquitter sans doute de son rôle de guide, m'avait pris familièrement la main. Au contact de cette peau noire, je ne pus d'abord surmonter un mouvement de répulsion et j'essayai gauchement de me dégager. Elle crut probablement à une excessive timidité et retint entre ses doigts ma main qui se dérobait. Son étreinte était chaude, amicale et enveloppante. Peu à peu, je m'apprivoisais et m'abandonnais avec un certain plaisir à la caresse de ses doigts qui emprisonnaient très tendrement les miens. Alors je m'enhardis à regarder la négrillonne. Ses yeux luisaient comme du vif argent et un sourire bon enfant égayait ses lèvres. Je commençai à ne plus la trouver aussi étrange et je me décidai à lui parler. « Il est tout plein joli, votre parc, » m'écriai-je. Et vous devez être bien contente de pouvoir vous y promener à votre aise. « Oh !» murmura-t-elle avec un zézément qui donnait à son parler créole quelque chose d'un gazouillement d'oiseau. « Là-bas, à Saint-Pierre, les arbres bien plus jolis, le soleil plus chaud, et les gens toujours de bonne humeur. Ici, les chercheurs savent pas rire, et les leçons à prendre font mal à la tête à Morissette. Moi toujours seul, jamais camarade pour rire avec moi. » Je me hâtais d'abonder dans son sens. « Oui, » répliquai-je gaiement, « les leçons, ça n'est pas drôle, j'en sais quelque chose. Mais si Madame Desroches le permet, je reviendrai souvent m'amuser dans votre parc et je serai votre camarade, voulez-vous » Elle se mit à rire d'un air peu convaincu et repartit en hochant la tête. « Vous, pas camarade, moi, fille de couleur, fais peur à Petit Blanc. » Je compris qu'elle s'était fort bien rendue compte de mes premières répugnances. Elle paraissait très intelligente et très observatrice. J'eus honte d'avoir été devinée, et je rougis jusqu'au blanc des yeux. « Vous vous trompez ? » murmurai-je, en serrant plus vivement sa main pour lui donner confiance. « Nous allons commencer par jouer ensemble comme une paire d'amis. Tenez, faisons une partie de course. Courez la première, je parie que je vous attrape avant d'arriver au rond-point. »« Pas sûr, » me répondit-elle d'un geste de défi. Elle prit son élan et s'éloigna à grandes enjambées, les coudes serrés au corps et faisant voler les plis de sa jupe de mousseline. De temps en temps, elle tournait vers moi sa tête crépue comme pour me narguer. Mais, bien qu'elle eût le jarret robuste, elle était moins habituée que moi à ce jeu de garçon. Elle s'essouffla vite. Avant qu'elle eût atteint les premiers platanes du rond-point, je l'avais rejointe et lui saisissant les deux bras. « Prise !» m'écriai-je. Elle en convint en riant. « Vous, très leste, » avoua-t-elle. « Moi, vite fatiguée. Allons nous reposer au bord du ruisseau. » J'eus pitié d'elle, et je la suivis jusqu'à un hêtre, dont les branches trempaient dans le courant et au tronc duquel nous nous adossâmes, laissant pendre nos pieds presque au fil de l'eau. Il faisait une agréable fraîcheur sous ses feuillets. Nous étions à demi enfouis, au milieu de l'herbe haute du talus, et au-dessous de nous, l'eau brune plus profonde et plus lente reflétait nos deux figures échauffées par la course. Tandis que Morissette reprenait haleine, je me mis à l'examiner attentivement. Elle était plus forte que moi, déjà formée, ayant l'air d'une petite femme. L'exercice violent auquel elle venait de se livrer l'avait singulièrement embellie. Un afflux de sang rosait ses joues bistrées. Sa jeune poitrine se soulevait et se baissait sous l'étoffe légère du corsage. Les moindres incidents, un voile de papillon, un chant de fauvette, les glissades des araignées d'eau à fleur du courant, amenaient un clair sourire enfantin sur ses lèvres épaisses. Ses idées étaient aussi mobiles que son luisant regard, et, sans transition, elle revint sur la frayeur que j'avais manifestée lorsqu'elle s'était approchée pour m'embrasser. Elle me rappela la précipitation avec laquelle je m'étais frotté la joue avec mon mouchoir et ajouta en plaisantant « Moi, pas d'étain sur la peau à vous, moi, pas changé couleur. » C'est vrai, répondis-je confus. « J'étais bête, mais je n'ai plus peur et la preuve, c'est que je vais vous embrasser. » En l'entourant de mes bras, je mis deux baisers sur ses joues. Elle me laissait faire et riait, puis elle m'embrassa à son tour et, posant sa main sur mon cou, me força à baisser la tête et à contempler mon reflet dans l'eau. « Voyez, dit-elle, vous tous ou blancs, nous pouvons être camarades. Morissette vous aimera bien. » Elle soupira et reprit avec une expression de visage plus sérieuse. « Noir, pas changé couleur. Noir, jamais changé cœur non plus. » Elle me tenait toujours par le cou et moi j'avais passé mon bras autour de sa taille, de sorte que nous étions si étroitement rapprochés que je sentais les battements de son cœur. Tout mon corps d'adolescent était en proie à un trouble à la fois très nouveau et très doux. Nous restions silencieux. Morissette, la tête un peu renversée en arrière, semblait épier la fuite des nuages à travers les fines ramures du hêtre. Peu à peu, elle ferma les yeux et se mit à murmurer une chanson créole, caressante comme une berceuse. Le sens des paroles m'échappait presque entièrement, mais l'air était délicieux dans sa monotonie un peu mélancolique. Je saisis cependant la signification du dernier couplet qu'elle répéta deux fois de suite. « Les filles du Havre sont des intrigantes, qui vendent leur queue pour de l'azan. Les filles de la Martinique le donnent à qui le fait plaisir. » La musique de ce refrain, lentement gazouillée, redoublait mon trouble et me montait à la tête. « Morissette, soupirai-je en attirant vers moi la négrillonne, embrassez-moi encore. » Mais au même instant, des appels partant du perron nous interrompirent cruellement. Je distinguai la voix de ma mère qui me hélait. La visite était terminée, et nous levant tous deux, nous nous encourûmes vers la gélinière.